Alfred de Villemeurs à Théodore Dilling à Naples. Mon cher Théodore, nous sommes de retour à Vienne depuis 2 jours. Nous sommes restés 2 semaines entières là-bas, et lorsque j'y songe, je me dis que c'était vraiment très beau. Le dernier jour seul n'a pas été très agréable. Figure-toi une averse qui a duré depuis le matin jusqu'au soir. Heureusement, c'était le dernier jour, sans cela. Pense donc être forcé de rester pendant des heures entières à la fenêtre, dans cette misérable chambre, et ne pouvoir mettre les pieds dehors de crainte de disparaître dans la boue. C'était affreux. Aussi prîmes-nous la résolution de rentrer à Vienne. Et, te l'avouerai-je, jamais, pendant ces 8 jours, nous n'avons été si gais qu'au moment de faire nos mal. Il semble d'ailleurs qu'une trop grande tendresse exclut la gaieté. Décidément, la mélancolie dans l'amour a du bon, et j'avais raison d'avoir encore une fois des aspirations de ce genre. Mélancolie? Non, ce n'est pas tout à fait cela. Mais à quoi sert de raisonner? C'était délicieux, voilà ce qu'il y a de certain. C'était... Non, c'est délicieux, et j'espère que cela le sera longtemps encore, comme tu vas le comprendre. Il y a une chose qui là-bas était pour moi parfaitement claire, c'est que toutes ces histoires de col rabattu, d'omnibus et d'essais de poésie ne pouvaient pas durer. Voyager en 3e classe n'est pas non plus mon fort. Ainsi donc, écoute bien. En prenant le train pour Vienne le soir, je me risque et prends des billets de 1re classe. Non, j'aurais voulu que tu visses la tête de la petite. Quand le train s'arrête, je passe avec elle devant tous les wagons et m'arrête tranquillement devant un compartiment de 1re classe qui, naturellement, était vide. « Eh bien, que fais-tu ? » me crie-t-elle. Moi, comme si je voulais lui faire fête. « Viens, viens donc !» Et nous voilà installés dans de confortables fauteuils de velours aux housses de dentelle blanche. Elle regarde curieusement autour d'elle. À ce moment, c'était absolument la petite fille des faubourgs qui entre dans un salon. « À quoi penses-tu » s'écrie-t-elle. Mais au lieu de bouder comme je m'y attendais dans le premier moment, elle se précipite à mon cou, m'embrasse, saute comme une enfant dans le compartiment, si bien qu'à un mouvement brusque du train, elle tombe dans mes bras. Ce fut certainement une des heures les plus délicieuses que nous ayons jamais passées ensemble. Je pouvais désormais être plus hardi. À la gare de Vienne, je me risque de nouveau et prends un fiacre. Elle me regarde et me dit « Mais tu es fou !» Je crus devoir essayer une explication. Notre départ prématuré de la campagne nous avait fait faire quelques jours d'économie. Elle me dit tendrement au revoir. Naturellement, il ne fallait pas que le fiacre allât jusqu'à sa porte. Tout cela se passait hier. Et voici ce qui va se passer aujourd'hui. Dans 1 heure, je serai devant elle, et cette fois sans déguisement. Tant pis, je me risque, car elle m'aime. Notre rendez-vous est comme d'habitude là-bas près de la barrière. Mais aujourd'hui je ne mettrai pas de cravate flottante, je ne serai pas à pied, je n'aurai pas de regard langoureux, non. J'arriverai en voiture, dans un costume d'été d'une suprême élégance, une cravate de 8 florins, un chapeau de paille anglais, avec une aimable inclination de tête, j'inviterai Mademoiselle Pépi à prendre place à côté de moi. Je lui avouerai que j'ai joué vis-à-vis d'elle une infâme comédie et que je suis riche et que je ne sais pas, hélas, faire de vers. Ce sera un rude coup pour elle, mais son attitude dans le coupé de 1re classe me laisse espérer que je réussirai à la consoler. Tout est prêt. Ah, je suis heureux de pouvoir de nouveau sortir ce soir habillé comme un homme raisonnable. En ce moment même, elle doit mettre son travail de côté et se préparer à la promenade. Pauvre enfant, cela me fait du bien de penser qu'il va m'être possible d'améliorer un peu sa situation. Et j'ai été aimé pour moi-même, longtemps, 15 jours entiers. Que peut-il maintenant m'arriver de mauvais? Il se fait tard, mon cher Théodore. Je t'écrirai encore demain. Ton Alfred.